la vicomtesse était liée depuis 3 ans avec un des plus célèbres et des plus riches seigneurs portugais, le marquis d'Ayuda Pinto. C'était une de ces liaisons innocentes qui ont tant d'attrait pour les personnes ainsi liées qu'elles ne peuvent supporter personne entière. Aussi, le vicomte de Beauséant avait-il donné lui-même l'exemple au public en respectant, bon gré mal gré, cette union morganatique. Les personnes qui, dans les premiers jours de cette amitié, verront voir la vicomtesse à 2 heures, y trouvaient le marquis d'Ayuda Pinto. Madame de Beauséant, incapable de fermer sa porte, ce qui eût été fort inconvenant, recevait si froidement les gens et contemplait si studieusement sa corniche que chacun comprenait combien il la gênait. Quand on sut dans Paris qu'on gênait Madame de Beauséant en venant la voir entre 2 et 4 heures, elle se trouva dans la solitude la plus complète. Elle allait au Bouffon ou à l'Opéra en compagnie de Monsieur de Beauséant et de Monsieur d'Ayuda Pinto. Mais un homme qui sait vivre, Monsieur de Beauséant quittait toujours sa femme et le Portugais après les y avoir installés. Monsieur d'Ayuda devait se marier. Il épousait une demoiselle de Rochefide. Dans toute la haute société, une seule personne ignorait encore ce mariage. Cette personne était Madame de Beauséant. Quelques-unes de ses amies lui en avaient bien parlé vaguement. Elle en avait ri, croyant que ses amies voulaient troubler un bonheur jalousé. Cependant, les bans allaient se publier. Quoi qu'il fût venu pour notifier ce mariage à la vicomtesse, le beau Portugais n'avait pas encore osé dire un traître mot. Pourquoi ? Rien sans doute n'est plus difficile que de notifier à une femme un semblable ultimatum. Certains hommes se trouvent plus à l'aise sur le terrain devant un homme qui leur menace le cœur avec une épée que devant une femme qui, après avoir débité ses élégies pendant 2 heures, fait la morte et demande des selles. En ce moment donc, Monsieur d'Ayuda Pinto était sur les épines et voulait sortir, en se disant que Madame de Beauséant apprendrait cette nouvelle et lui écrirait. Il serait plus commode de traiter ce galant assassinat par correspondance que de vive voix.